France Info. Bonsoir, bienvenue dans les informés donc de France Info. Nous nous mettons bien sûr à l'heure de l'édition spéciale de France Info que vous suivez depuis hier. Ça fait près de 24 heures hein, que France Info suit justement cet ouragan Irma le jour d'après. Voilà comment nous aurions pu intituler cette émission, tant le passage de cet ouragan Irma aura marqué par sa violence l'histoire des Antilles et des Outre-mer. Un cyclone qui continue sa course, hein, laissant derrière lui une totale désolation. Émission spéciale donc ce soir, nous allons tenter de voir comment les secours s'organisent, comment les habitants se remettent à vivre et comment reconstruire et surtout se reconstruire. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Arnaud Fraisse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes fondateur de l'ONG Secouristes sans frontières, également Patrick Caram. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, également Patrick Colombel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur d'Architectes sans frontières et Luc Laventure. Bonsoir. Merci Bonsoir. D'être là à nouveau, journaliste, président du groupe des médias Outre-mer 360. Les informés de France Info, spécial cyclone et cauchemar de Dame Nature, c'est parti. Alors depuis la métropole, il est très difficile d'imaginer la terreur vécue hein, par les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans la nuit de mardi à mercredi. Seuls quelques chiffres nous donnent l'ampleur du sinistre. Pour Météo France, Irma est tout simplement le plus long cyclone jamais enregistré dans cette partie du monde. Des vagues de plus de 10 mètres, des zones d'habitation ravagées. Et pour l'instant, un bilan qui a été revu à la baisse au cours de la journée. 4 morts donc à Saint-Martin et une cinquantaine de blessés. Alors juste avant d'entamer nos discussions, nous allons faire un petit point sur la course de ce cyclone. Avec vous, David Dumas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes météorologue à Kéronos, l'Observatoire français des tornades et orages violents. Ce soir, est-ce qu'on sait précisément vers où se dirige Irma ? Oui, il est actuellement à une centaine de kilomètres à l'est des îles Turques Caïcos, quelques îles qui sont situées au sud des Bahamas, qui frappera demain et après-demain. Et puis ensuite, un virage assez brutal s'effectuera après avoir longé la côte nord de Cuba en direction de la Floride pour dimanche. Floride qu'il devrait impacter dimanche à la mi-journée pour nous. Au niveau, probablement, il y a encore une petite incertitude, mais ça devient de plus en plus probable, au niveau de Miami. Au niveau de Miami, donc on en parle, en effet, les médias américains parlent d'un impact plus fort que prévu. Est-ce que c'est, alors ça paraît terrible de dire ça, mais est-ce que, David Dumas, c'est l'itinéraire imaginé ? Est-ce que c'est ça, ce cône pointant vers la Floride depuis le début, on le savait ? Oui, depuis maintenant 8 jours, on a, alors bien sûr à 300 km près, mais de jour en jour, la prévision s'affine, mais cet itinéraire-là a été prévu et assez bien anticipé. Et encore une chose, je peux terminer, David Dumas, où en est-on concernant alors les autres tempêtes transformées en ouragans surnommées José et Katia? Est-ce qu'elles pourraient frapper également les îles Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la même zone frappée par Irma? Alors, pour Katia, c'est dans le golfe de Veracruz au Mexique, donc il va rentrer dans les terres du Mexique, donc ça ne concernera pas les Antilles. Pour José, il est actuellement en train de s'intensifier, en catégorie 2, il est prévu devenir ouragan majeur, donc à partir de la catégorie 3. Demain, en cours de journée, il devrait épargner, passer pas très loin, mais ne pas impacter directement Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Selon les dernières projections, il devrait passer, on va dire, à 50-100 km au nord-est des îles du Nord, mais il faut quand même le surveiller parce que c'est encore à 72 heures d'échéance, donc ça peut encore évoluer. Ça peut évoluer. Très bien, merci beaucoup David Dumas, vous êtes météorologue à Kéronos, Observatoire français des tornades et orages violents. Luc Laventure, vous étiez déjà avec nous hier pour le média Outre-mer 360. Ça a évolué, bien sûr, la situation, on en sait un peu plus aujourd'hui. Vous avez mis en place, vous, avec votre site internet, justement, une manière de rentrer en relation pour les personnes cherchant, justement, d'autres personnes sur place à Saint-Martin. Vous avez eu beaucoup de demandes ? Beaucoup, beaucoup, des dizaines de demandes. Alors, ce qui s'est passé quand on est sorti de vos studios, c'est l'immense détresse et l'immense solitude des gens. C'est vrai qu'aux Antilles, nous avons une culture de la solidarité et on s'est aperçu qu'on était frappé sur la non-communication qu'il y avait. Satellite en panne, téléphone en panne, rien ne marchait. Alors les gens se téléphonaient et effectivement il y a un tissu associatif très fort dans l'Hexagone et on s'est aperçu que personne ne savait ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Alors nous nous sommes inscrits dans un courant qui existe depuis quelque temps avec les réseaux sociaux. Ça s'appelle les médias sociaux de crise. Et les gens postent chez nous, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, leur demande en disant « Je recherche mon frère qui ? Je recherche ma sœur qui ?» On leur dit « Envoyez-nous une photo, ça va peut-être aider. » On vérifie effectivement la véracité de cette information et on le met et très souvent, la chaîne de solidarité a fonctionné très bien. Et les gens étaient rassurés parce que c'est vrai que hier soir, quand on est sorti d'ici, on ne connaissait pas le nombre de morts, on ne savait rien du tout. On savait que tout le monde était dans une détresse, pas d'eau, pas d'électricité, les choses étant liées. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi jusqu'à présent les normes concernant l'énergie sont les mêmes en milieu tropical tempéré, oui. Alors qu'effectivement, on a deux cas de figure totalement différents. Alors, Patrick Carême, justement, vous êtes donc président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'outre-mer. Cet appel, justement, cette manière d'agir, c'est quelque chose qui est plébiscité, justement, vous l'avez senti ? Il faut de toutes les façons utiliser tous les moyens de communication, parce qu'il y a très clairement un blackout en matière de télécommunication. C'est une zone morte, et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à joindre toute une série de personnes, parce que vous avez un territoire qui est complètement, un petit territoire, mais qui est complètement sinistré, avec des routes complètement bloquées, plus d'électricité, plus d'eau, plus de moyens pour les uns et les autres de se déplacer. Aujourd'hui, il faut pouvoir, et c'est l'urgence première, assurer l'approvisionnement de familles qui sont isolées, qui ont des bébés, qui ont des vieillards, qui ont parfois des blessés issus de la tempête. Il y a des morts qu'on découvrira sans doute par la suite. Simplement, aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment tout ce qui se passe à Saint-Martin, parce que nous n'avons pas encore pu faire le tour de la situation. Et il faudra encore un certain temps pour pouvoir évaluer réellement la situation de Saint-Martin. Et on continue à chercher des gens. Moi, j'ai de la famille, j'ai des parents, j'ai des amis qui sont là-bas que je n'ai plus pu joindre depuis hier soir. Je les ai eus très brièvement et c'était terminé. Il y a encore une souffrance, et c'est vrai que des initiatives telles que celle de Luc ou celle du ministère, avec un numéro, mais un numéro en fait qui est destiné à vous rassurer plus qu'à vous répondre. Ces initiatives sont les bienvenues parce que ça permet de donner un espoir à ceux qui sont ici, qui sont isolés, qui vivent dans la souffrance, cet isolement de ne pas pouvoir joindre des proches qui sont là-bas et dont ils mesurent la détresse. Alors on va en parler justement de ces premiers secours dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme. 4 morts retrouvés à Saint-Martin, aucun décès à Saint-Barthélemy. Édouard Philippe revoit à la baisse le bilan de l'ouragan Irma sur les Antilles françaises. Une cinquantaine de personnes sont blessées, dont 2 graves et 1 en urgence absolue. L'ouragan dévastateur est maintenant sur l'île de Porto Rico et fonce sur la Floride, les États-Unis. Avec derrière lui le Parthénon, symbole de la démocratie, Emmanuel Macron appelle solennellement à refonder l'Europe. Le président français souhaite depuis Athènes ce soir que l'on reste la souveraineté, la démocratie, la confiance. Il souhaite un examen critique sans concession de ces dernières années en Europe. GMES sera bien repris par GMD à la souterraine. GMD conservera bien 120 des 277 emplois. Sans surprise, le tribunal de commerce de Poitiers valide aujourd'hui le plan de reprise de l'équipementier automobile de la Creuse. Les salariés ont maintenu la pression jusqu'au bout pour sauver le plus d'emplois possible. L'Espagne dépose un recours contre la loi sur les référendum en Catalogne. Le Premier ministre Mariano Rajoy dénonce un acte intolérable de désobéissance. Hier soir, le Parlement de Catalogne a voté pour l'organisation de ce référendum d'autodétermination pour le mois d'octobre. Le gouvernement catalan répond d'ailleurs qu'il ne se laissera pas impressionner. Et puis Alain Giresse n'est plus sélectionneur de l'équipe du Mali. L'entraîneur du football démissionne. Il ne dirigera pas les 2 derniers matchs de son équipe africaine. Les qualifications mondial 2018. Les Maliens ont concédé le match nul hier face au Maroc, 0 partout. France Info. France Info. Édition spéciale. C'est une question que vous allez entendre souvent ces prochaines heures. Et maintenant, que faire ? Alors voilà la question qu'on peut se poser par rapport aux dégâts laissés par l'ouragan Irma, donc qui est passé sur les territoires français de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Comment organiser les secours ? Alors à travers les îles transformées en terrain vague flottant, des habitants traumatisés, une absence d'eau, on vient d'en parler. Alors il faut bien s'organiser donc et vite. On va entendre tout de suite Jean-Jacques Eledjam, il est président de la Croix-Rouge. On a réussi hier, à la demande de la sécurité civile, à réunir un certain nombre d'équipiers secouristes dans un temps relativement court. Et d'ici vendredi ou d'ici la fin de la semaine, nous allons mobiliser 30 équipiers secouristes et les mettre dans un avion et les envoyer sur place. Voilà, Jean-Jacques Edjam, président de la Croix-Rouge. Alors, Arnaud Fraisse, vous êtes fondateur de l'ONG Secouristes sans frontières. Vous vous intéressez notamment à Haïti, on va en parler dans un instant, mais vous avez déjà vécu ce genre de situation après une tempête, après un cyclone. Les secouristes français vont découvrir, là, ils sont sur une frégate, ils vont vers Saint-Martin, ça a été affrété depuis la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur place ? Ils vont découvrir un paysage de ruines, comme nous, nous l'avons découvert à la Grenade en 2004, après le cyclone Ivan, où tout était par terre. J'ai eu l'impression, j'y suis allé moi-même, et j'ai eu l'impression que l'île de la Grenade avait été en fait entièrement traversée par une débroussailleuse. D'accord. Donc tout était quasiment coupé au niveau des arbres, notamment la noix de muscade, le muscadier, qui est la richesse de la Grenade. Tout était vraiment taillé quasiment au cordeau par une débroussailleuse. Donc c'est très impressionnant. Et puis surtout, le plus impressionnant, ce sont les populations qui sont là, qui vous accueillent. Alors à bras ouverts et qui sont vraiment contents de vous voir arriver et qui vont vous donner un coup de main et qui vont nous aider en fait à connaître le terrain, parce qu'en fait nous on arrive, on ne sait pas effectivement où on va et qu'est-ce qu'on va trouver. Et notamment à la Grenade, on nous a tout de suite affecté en fait à la réhabilitation d'un hôpital de petit village, une petite ville qui s'appelle Greenville, où on a refait le toit, on a retravaillé sur ce village, sur cet hôpital très très très rapidement, et ensuite nos médecins ont pu s'installer pour soigner les blessés. Alors Patrick Colombel, vous êtes donc cofondateur d'Architectes de l'urgence, on le voit les images, en effet pour l'instant il y a peu de victimes, les dégâts matériels sont considérables. Alors la question peut sembler idiote, mais est-ce que c'est possible de reconstruire vite? Oui, bien sûr. C'est un problème de moyens et c'est un problème de volonté. Bon, je pense que la volonté, les gens, de toute façon, ils n'ont pas le choix, donc ils vont le faire. Et après, les moyens, on a sur Saint-Martin, on a des populations qui sont assez différentes quand même. On a des gens qui ont des moyens et des gens qui en ont quand même beaucoup moins. Là où on peut être sérieusement inquiet, les gens qui ont des moyens, qui sont assurés dans le système assez classique de l'assurance, je pense que le relèvement pour ces personnes va être relativement facile et rapide, et avec un niveau de prestations dans les reconstructions qui sont sûrement bonnes. Par contre, pour les gens qui sont plus pauvres, qui sont parfois avec des habitations qui peuvent être d'ailleurs pas forcément tout à fait légales, ce genre de choses, et qui sont des petits habitats précaires, ceux-là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que il y a l'identité aussi des gens. Parfois, il y a une immigration importante. Il y a des Haïtiens, une communauté haïtienne relativement importante là-bas. Donc, c'est une vraie question qui va se poser pour ces gens-là et sur lequel il va falloir répondre. Patrick Carême, vous m'en parliez justement avant de prendre cette émission, discuter de ça. Vous me disiez justement, ces Haïtiens là qui peuvent vivre justement sur ces territoires français, eux vivent dans un dénuement. Ils vivent dans le dénuement le plus complet, parfois même dans l'anonymat le plus complet. Comment les repérer, comment les identifier, et si on trouve des corps, comment s'assurer de leur identité? Ça va être extrêmement complexe. En fait, vous avez une société à deux vitesses à Saint-Martin, mais vous avez quand même un facteur général. Le revenu par habitant à Saint-Martin est deux fois inférieur à la moyenne nationale. Vous entendez bien. Celui de Saint-Barthélemy, c'est supérieur à la moyenne nationale. Donc on construit en dur à Saint-Barthélemy et on pourra se reconstruire parce que tous, ils ont effectivement, on peut effectivement s'incliner devant la douleur de ceux qui ont pu subir les froids de ce cyclone, mais ils avaient un système de protection plus élevé. Mais à Saint-Martin, quand vous pensez que les quatre bâtiments les plus solides de Saint-Martin, construits pour résister à tout, n'ont pas résisté, imaginez ce que ça a pu porter ailleurs. Et imaginez aussi aujourd'hui à Saint-Martin, le dénuement et le désarroi total d'une partie de la population qui n'assure pas, qui ne peut pas assurer parce qu'il n'a pas les moyens d'assurer ces maisons et qui vont passer au travers, effectivement, du filtre de la reconstruction et de l'aide nationale. Patrick Colombel, justement, il y avait Gérard Collomb ce matin qui était notre invité, le ministre de l'Intérieur, qui organise cette cellule de crise dans son ministère, et il a parlé justement architecture. Il explique qu'il faut maintenant désormais voir plus loin, voir après, comment mieux organiser finalement cette architecture ilienne. On l'écoute, Gérard Collomb. Cela veut dire surtout peut-être de reconstruire autrement ces îles. de mieux les protéger, par exemple, de la mer, de faire en sorte aussi que les constructions soient des constructions plus solides et adaptées à ce genre de phénomène. On sait bien qu'il y avait des maisons construites de manière relativement sommaire, et donc c'est un autre type d'habitation qu'il faut pouvoir construire. Gérard Collomb, ce matin sur France Info. Patrick Colombel, quand vous entendez ça, est-ce que finalement, c'est seulement maintenant où on réagit qu'il faut Tout existe déjà. Je pense qu'il faut être pragmatique. Si les gens construisent pas en dur, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Voilà. Si vous avez les moyens de construire en dur, vous construisez en dur. Vous êtes en zone sismique et cyclonique. Si vous le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas les moyens. Si les gens ont les moyens, les gens qui y habitent le savent très bien. Donc la question, elle est vraiment là. Après, rajouter des réglementations, rajouter des couches, pourquoi pas. On va sûrement apprendre des choses. On dit, tiens, tel type de menuiserie peut-être n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner, ou tel type de couverture. Mais globalement, on sait faire des bâtiments qui peuvent résister à des événements comme celui-ci. On a travaillé sur la grenade. On a vécu aussi un événement qui était supérieur, qui était celui de Yolanda. C'était le cyclone qui est aux Philippines, qui était un cran supérieur à ça, qui est du même niveau que ce cyclone. Et il y a des destructions, certes, mais les gens, les populations les plus vulnérables, c'est elles qui trinquent en priorité. C'est elles qui perdent tout. C'est elles qui vivent souvent dans les zones les plus vulnérables aussi, dans lesquelles il y a le plus de vulnérabilité, dans les fonds de vallée, en bord de plage aussi. Ça, c'est assez fréquent. Et en l'occurrence, l'un des problèmes qu'on avait eu avec Yolanda, et notamment sur Tacloban, c'est que les populations avaient refusé d'évacuer. Le gouverneur n'avait pas mis la pression assez pour évacuer les populations. Et ça, c'est une chose qui m'inquiète quand même sérieusement sur Saint-Martin, parce qu'il y a un endroit, a priori, qui poserait ce problème. Exactement, la ministre avait dit déjà, on n'a pas de nouvelles de 7000 personnes qui n'ont pas voulu mais se mettre à l'abri. Mais 7000, je n'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, il y a un certain nombre de personnes âgées qui ne veulent pas partir. D'abord parce qu'ils ont peur des pillards. Et vous avez vu que le cyclone, les vents ne sont même pas tombés, vous aviez des pillards qui étaient à l'œuvre. Mmh. Et ça, on le constate. Et c'est pour ça qu'on a prépositionné des gendarmes sur l'île de manière à agir en préventif sur ce qui sont bloqués aujourd'hui, ces gendarmes-là, et n'arrivent pas à aller dans tous les coins qui ont besoin de leur présence. Je voulais simplement, sur cette question d'architecture, dire, j'ai entendu ce que dit Gérard Collomb, que l'État déjà commence par assurer son minimum vital sur Saint-Martin. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui ne sont pas au niveau. Vous avez des reparts de développement dans ces territoires-là. Vous avez des problèmes liés à ce que l'État ne fait jamais, sur les routes, sur les adductions d'eau, sur les déchetteries. L'État n'assume pas sa responsabilité. Et je veux quand même rappeler qu'en 1980, Le cyclone qui avait dévasté Saint-Martin avait coûté 2 milliards de dollars. Est-ce que vous croyez, vous savez quel est le budget du ministère de l'Outre-mer aujourd'hui? Combien? Quel est le budget? Le budget, Luc? Luc Laventure, Luc, vous le savez. 10 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez, c'est 10% de ce que l'État fait en Outre-mer. Mais est-ce que vous croyez que réellement, Gérard Collomb va prendre ses responsabilités, enterrer les fils électriques qui sont encore à l'air? Est-ce qu'il va construire réellement des hôpitaux qui soient capables de résister aux tremblements de terre et aux cyclones? Est-ce qu'il va construire aussi des infrastructures qui puissent résister à tout? Je ne le crois pas. Et le problème Patrick, de l'État... Je vous propose, on va juste en parler dans un instant. Vous savez, ici à France Info, on est très millimétré. Hein, voilà, c'est comme ça, on est un peu rigide. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme. 800 secouristes, gendarmes et sapeurs-pompiers déjà sur place, des bénévoles de la Croix-Rouge après le passage de l'ouragan Irma sur les Antilles françaises. Le bilan est désormais de 4 morts confirmés à Saint-Martin, aucun recensé à Saint-Barthélemy, une cinquantaine de blessés. Sur la partie néerlandaise de Saint-Martin, les autorités annoncent ce soir au moins un mort et plusieurs blessés. Emmanuel Macron le rappelle ce soir, il se rendra sur place dès que la situation climatique le permettra. Le président de la République soulignait aussi dans la journée la nécessité d'agir contre les perturbations climatiques. Après la découverte d'un atelier clandestin d'explosifs à Villejuif, un troisième suspect a été interpellé aujourd'hui à Vitry-sur-Seine. C'est un homme de 37 ans, radicalisé, suivi par la Direction générale de la Sécurité intérieure. Selon le ministre de l'Intérieur, cet atelier clandestin pourrait être en lien avec la Syrie et l'Irak. Il avait agressé Nathalie Kosciusko-Morizet pendant la campagne des législatives à Paris. Vincent Debrez, le maire d'une commune de Normandie, a été condamné cet après-midi. 3 mois de prison avec sursis, 1 000 euros d'amende. L'ancienne ministre avait été hospitalisée après avoir perdu connaissance. Et puis le CAC 40 change un petit peu de visage avec des entrées et des sorties pour les 40 entreprises qui composent cet indice boursier. ST Microelectronics réintègre la liste. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs affiche une progression de 40% en bourse depuis le début de l'année. ST Micro prend la place du finlandais Nokia. France Info. France Info. Édition spéciale. Édition spéciale, bien sûr, sur France Info, hein, depuis un peu plus de 24 heures pour suivre l'évolution de la situation aux Antilles, notamment à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. On parlait à l'instant d'architecture, mais pas n'importe quelle architecture, puisque vous avez pu voir peut-être des images sur les réseaux sociaux. Ce sont tout simplement une île totalement dévastée à Saint-Martin. Certains parlent de 95% de l'île dévastée côté français. Luc Laventure, quand vous entendez ce que disait Patrick Caram à l'instant, ça veut dire que est-ce qu'on n'a pas tiré les leçons, finalement, de ce qui s'est passé auparavant à Saint-Martin, quels que soient d'ailleurs les gouvernements? On ne s'est pas dit, tiens, à un moment, on va réfléchir autrement? Alors, je n'ai pas le brio de Patrick, donc je ne vais pas me mettre dans son sillage. Je dis la réponse est non. On n'a jamais tenu compte de ce qui s'est passé. Et effectivement, on répète les mêmes erreurs. Je crois que nous avons la chance d'avoir un ami architecte. L'an dernier, j'ai participé, ou plutôt Outre-mer 360 et une association qui s'appelle Métamorphose Outre-mer. Nous avons participé au sommet de Quito avec des jeunes architectes et surtout des écoles d'architecture qui ont mis en place, à partir des expériences des habitats d'Amérindiens, des façons de construire des habitats qui tiennent compte du vent, qui tiennent compte des tremblements de terre. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il y a quand même des pistes à creuser. Je pense que le gouvernement, au lieu de dire en permanence, voilà ce qu'il faut faire, on va reconstruire, je pense que effectivement, ce serait mieux de prendre le temps, parce que les architectes, c'est quand même une partie de Dieu, d'aider Dieu à reconstruire le monde d'une autre façon. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Est-ce que c'est ça finalement? Exactement. Voilà. Alors, voilà, mon père, vous inquiétez pas. Sur le service public, voilà, nous avons un objectif de laïcité, vous savez, ici. Vous inquiétez pas, je suis là. Patrick Colombel, justement, ces leçons du passé, aujourd'hui, est-ce que vous, qui intervenez justement dans des situations d'urgence, est-ce qu'elles n'ont pas été tirées? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps? Je crois qu'il y a quelques conneries qui traînent, faut être clair, quand il y a une préfecture qui est défoncée par un cyclone comme ça, c'est pas normal, quand même. C'est inadmissible. Voilà, il y a une erreur. Maintenant, bon, on va pas faire la polémique. Maintenant, il faut le régler. Ça, c'est clair. Absolument. Et je crois on a la chance, Saint-Martin et Saint-Barth ont la chance aussi d'avoir à côté deux îles avec, qui sont la Martinique et la Guadeloupe, avec des professionnels, avec des gens qui sont compétents, qui connaissent aussi le pays, le climat, qui sont nés là-bas souvent, et qui ont aussi une vraie culture du risque, parce qu'ils la connaissent. Absolument. Et quand on donne les moyens à ces gens-là de travailler, je pense aux architectes, aux ingénieurs qui travaillent en Martinique, en Guadeloupe, ils sont tout à fait compétents pour travailler sur les reconstructions là-bas. Donc, je pense qu'il faut aussi ouvrir dans ce sens-là et pas que ce soit... on peut faire un laboratoire d'architecture, aller chercher Jean Nouvel pour reconstruire des constructions là-bas, pourquoi pas, ou chez Guérouban, on peut le faire. Mais l'essentiel va être aussi que tout soit fait et que le maximum soit fait par des gens qui gèrent ça localement ou au moins dans la région. Avec les cultures locales. Bien évidemment. Alors, Arnaud Fraisse, quand vous voyez aujourd'hui, finalement, cette mobilisation autour de cet ouragan, que ça soit français et bien sûr aussi les îles anglo-saxonnes, je veux dire, c'est vrai qu'on en parle moins parce que voilà, c'est d'abord avant tout chez nous, bien sûr, des territoires français qui ont été frappés. On le voit quand même, il y a une crainte finalement chez certaines ONG aujourd'hui, c'est d'avoir un afflux, alors pas de dons, mais un afflux, vous savez, de biens matériels sans le savoir quoi faire. Est-ce que c'est un vrai problème? Ça pour les ONG. Oui, c'est un vrai problème parce que après on a un gros souci en fait pour emporter ce matériel. Donc aujourd'hui trouver du fret dans un avion pour la Guadeloupe, c'est compliqué. Demain ça sera pareil. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a déjà 400 pompiers sauveteurs français plus X gendarmes, c'est énorme. Donc nous, Secours sans frontières, c'est clair qu'on va pas aller en Guadeloupe. Non. Pourquoi? Je pense qu'il y a suffisamment de monde là-bas. Et déjà. Vous estimez que votre place, elle est plutôt par exemple en Haïti? Haïti ou Saint-Domingue ou des populations qui sont plus vulnérables et sur lesquelles effectivement l'organisation des secours est plus compliquée ou n'existe pas du tout carrément, si vous voulez. On a beaucoup parlé aujourd'hui du rapport à l'eau aussi, c'est ça aussi en priorité, c'est-à-dire en effet il y a les bâtiments, il y a aussi cette eau, cette électricité, finalement ces besoins primaires. Alors nous partons avec des groupes électrogènes et nous partons avec une unité de transformation d'eau, enfin de filtration d'eau qui permettra d'alimenter à peu près 1000 personnes pendant une semaine. C'est l'électricité qui réglera le problème d'eau. Oui, c'est ça. Luc Aventure. Oui, mais merci de dire l'histoire de l'électricité, mais comment on peut imaginer que après tous les sommets de la Terre qu'il y a eu depuis 20 ans, on soit sur une économie ilienne à transformer l'eau avec une électricité dont l'origine ne soit pas moderne. Comment expliquer cela? Et personne ne se pose la question. Est-ce que les normes d'énergie, pourquoi les normes d'énergie sont les mêmes là-bas et ici? On a changé de ministre de l'écologie, et je pense que ça, c'est un sujet pour lui. C'est affaire. Exactement. Alors, justement, d'écologie, on va en parler dans un instant. On parlera aussi de la situation en Haïti. On parlera également un peu d'Emmanuel Macron, puisqu'il a dit qu'il se rendrait, bien sûr, sur ces territoires français. Voilà la suite des Informés de France Info, édition spéciale qui continue dans quelques minutes. Économie. La place donnée à l'accord d'entreprise est incontestablement le sujet qui divise le plus organisations patronales et syndicales. Sport. Attention, Martens, encore lui, face à Trois-Lissois. La frappe à l'entrée de la surface de réparation, c'est juste au-dessus. C'est assez tendu ce début de match. Culture. Il y a 70 ans, à Nice, Yves Klein, Armand et le poète Claude Pascal décident de se partager le monde. International. À Caracas, il n'y a pas que devant les banques, les supermarchés ou les pharmacies que l'on voit des files d'attente. Il y a aussi devant les ambassades. Pour l'info. 24 heures sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr. Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac. Retour de la pluie demain, une nouvelle perturbation abordera les côtes de la Manche avec quelques pluies le matin, du vent jusqu'à 70 km à l'heure. Jusqu'à la Gironde, au Limousin, au centre et à Champagne-Ardenne, ce sera gris. Ailleurs, plus d'éclaircies et même un beau soleil sur les Pyrénées, de la Méditerranée vers Rhône-Alpes et le Jura. Il fera 9 à 19 degrés. L'après-midi, plus de vent près de la Manche jusqu'à 80 km à l'heure. Des pluies plus conséquentes de la Bretagne jusqu'à la frontière belge, parfois soutenues et orageuses au nord de la Seine. Un peu de pluie aussi vers la Vendée, la région parisienne, les Ardennes. Davantage de soleil des Landes vers l'Auvergne et le Nord-Est. Et puis un risque d'averse et d'orage des Alpes du Sud à la Corse. On aura seulement 17 degrés à Brest et à Lille sous la pluie. 19 à Reims, Paris. 21 à Nancy, Bourges et La Rochelle. 25 à Lyon, à Toulouse. 28 à Perpignan et Marseille et 30 à Nîmes. France Info. 2 points, ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Augustin Arrivé. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. À Saint-Martin, on parle de 4 morts recensés côté français, un autre sur la partie néerlandaise de l'île. Pour l'instant, aucune victime signalée sur l'île de Saint-Barthélemy, mais une cinquantaine au moins de blessés. L'ouragan Irma a ravagé les deux îles. 95% des bâtiments de Saint-Martin sont détruits. De premiers moyens logistiques et humains sont arrivés ce soir sur place avec la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. Édouard Philippe, lui, s'est à nouveau rendu à la cellule de crise mise en place à Paris. Le Premier ministre a détaillé les opérations de secours qui commencent. Les priorités sont les suivantes. D'abord, aller au terme des opérations de reconnaissance pour avoir la vision la plus précise de l'impact de cette catastrophe naturelle et adapter nos réponses. Ensuite, apporter un secours immédiat aux populations en leur acheminant dans les meilleures conditions eau et nourriture. Troisième priorité, organiser les évacuations sanitaires. Quatrième priorité, assurer la sécurité et l'ordre public. La cinquième priorité sera de rétablir l'électricité. Plusieurs groupes électrogènes sont en préparation d'acheminement depuis la Guadeloupe et depuis l'Hexagone, une quarantaine de groupes plus lourds devraient être préparés et décolleront au plus tard dimanche prochain. Édouard Philippe ce soir, les dons en métropole sont maintenant centralisés par la Fondation de France. L'ouragan Irma sera ce soir au large d'Haïti. Les États-Unis seront frappés samedi. Le gouverneur de Géorgie a ordonné ce soir l'évacuation des zones côtières, comme en Floride où 200 000 personnes doivent quitter leur logement. Le Conseil constitutionnel valide le principe des ordonnances pour réformer le Code du travail. Échec donc de la procédure engagée par des députés d'opposition, des élus socialistes, communistes et insoumis qui avaient saisi le Conseil des sages. Validation sans aucune réserve. Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, parle d'une preuve que les critiques contre ce texte sont sans fondement. Après l'appartement de Villejuif hier, c'est aujourd'hui un box sur la commune de Thiès, toujours dans le Val-de-Marne, qui a été inspecté par les services antiterroristes. Et là encore, comme hier, des produits chimiques permettant de confectionner des explosifs. Le box appartenait à l'une des deux personnes arrêtées hier. Un troisième suspect a d'ailleurs été interpellé. Un homme connu de la DGSI est soupçonné de radicalisation. Une excellente nouvelle d'après l'association AIDS. Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead, condamné à verser 100 000 euros à son concurrent Milan. Gilead qui avait saisi la justice pour faire retirer du marché une version générique de son antirétroviral, le traitement Truvada, prescrit contre le sida. Le tribunal de grande instance de Paris a donc donné raison à Milan. La version générique restera disponible. L'US Open de tennis avec deux régionales de l'étape ce soir. Venus Williams et Sloane Stephens s'affrontent en terre américaine pour une place en finale. Ça devrait démarrer vers 1h du matin, heure de Paris. 20h33 sur France Info, Jean-Mathieu Pernin est toujours là, c'est la deuxième partie des informés. France Info, édition spéciale. Les informés, excusez-moi, voilà, et oui, nous avons repris, bien sûr, voilà, nous sommes de nouveau à l'antenne, exactement, voilà, mais c'est normal, la discussion continue, voilà, Augustin, même si nous vous écoutons avec passion, nous sommes en édition spéciale, bien sûr, pour parler de l'ouragan Irma, les témoignages des Français ayant vécu le pire afflux, notamment sur les réseaux sociaux, comme on en a vu énormément, et eux, ils sont à l'abri, et ils ont bien fait, et ce soir, les informés de France Info reçoivent donc Arnaud Fraisse, fondateur de l'ONG Secouriste International. Également Patrick Caram, président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Patrick Colombel, cofondateur d'Architectes de l'urgence. Luc Laventure, journaliste, président du groupe des médias Outre-mer 360. Et nous ont rejoint Alain Capestan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Comptoir des Voyages. Et Carole Châtelain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de Science et Avenir. Alors justement, je vais commencer avec vous, Carole Châtelain. Ce matin, en déplacement en Grèce, Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse, est revenu donc sur l'ouragan Irma, et voici ce qu'il a déclaré. On l'écoute, Emmanuel Macron. Cette émotion n'est sincère et conséquente que si ceux qui les éprouvent veulent bien avoir l'esprit de conséquence et vouloir s'attacher aux causes profondes qui créent ce type d'événement. Et vous l'avez rappelé, l'engagement pour le réchauffement climatique, ça n'est pas contre le réchauffement climatique, pardonnez-moi, et les déséquilibres de la planète, ils nous touchent tous et toutes. Et ça n'est pas un luxe du quotidien, c'est un engagement indispensable pour nos peuples, aujourd'hui et demain. Voilà, Emmanuel Macron, donc ce matin en Grèce. Carole Châtelain, Emmanuel Macron fait directement le lien là entre réchauffement climatique et ouragan, et pourtant les spécialistes ne s'accordent pas tous quand même sur cette question. Non seulement ils ne s'accordent pas tous, mais il faut faire preuve d'une très très grande prudence. Le lien n'est pas établi, et il faut bien rappeler, en tout cas, en tout état de cause, que le réchauffement climatique n'est pas responsable des ouragans que nous constatons. Il amplifie probablement le phénomène, mais il n'en est pas à l'origine. Donc le lien entre réchauffement climatique et ce que nous constatons reste à faire. Il faut surtout dire que nous avons affaire à des machineries extrêmement complexes. C'est l'océan, et bien évidemment, je ne vous rappellerai pas que notre planète est faite en très grande majorité d'océans. C'est une interaction entre l'océan, l'atmosphère et les terres. Donc tout cela se modélise, c'est extrêmement délicat. Il y a à peu près une quarantaine de modèles. Si vous voulez, on reviendra sur ce qu'est un modèle climatique. Oui. Mais il y a une quarantaine de modèles actuellement dans le monde qui moulinent, entre guillemets, pour essayer de faire des scénarios. Et pour l'instant, le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental qui réunit des scientifiques des laboratoires du monde entier, qui bénévolement épluche toute la littérature sur le réchauffement climatique pour en sortir la substantifique moelle et la diffuser auprès des responsables, le GIEC n'a pas fait le lien. Il le fera sans doute, peut-être, éventuellement, dans son rapport, qui est le rapport numéro 6, qui sera connu en 2021. Alors, Carole Châtelain, mais on voit, on peut prévoir, finalement, ces cyclones. Mais est-ce qu'on peut prévoir leur force, véritablement ? Non, là, ce qu'on peut remarquer... C'est un peu comme les tremblements de terre ou pas, finalement ? Alors, on se dit, on ne connaît pas véritablement ce que ça peut donner ? Ce que l'on a vu avec Irma, c'est que les modèles prévisionnels sont de plus en plus précis. Contrairement, on va faire un lien aux statistiques, si l'on veut le dire. Mais ça avait été prévu. Le parcours avait été relativement bien défini. Pour autant, oui, c'est plus simple à prévoir qu'un tremblement de terre qu'on ne prévoit pas du tout. Donc, c'est sûr. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que, et ce qui est établi en revanche là aussi par le GIEC, c'est que nous allons faire face à une augmentation de l'intensité de ces cyclones. Ça, c'est sûr. Et je redis qu'on ne fait pas le lien forcément avec le réchauffement climatique. Donc plus fort, des cyclones plus forts. Des cyclones plus forts, pas forcément plus fréquents, mais plus forts, qui vont avoir lieu en Atlantique Nord aussi, là où ils étaient moins fréquents, et surtout qui vont s'éloigner peu à peu de l'équateur. C'est-à-dire qu'on constate là aussi un déplacement géographique des cyclones. Alors Arnaud Frey, justement, vous avez donc une expérience avec Secouristes sans frontières. Est-ce que depuis qu'il y a ces outils, finalement, on voit de plus en plus affinés, est-ce que vous avez l'impression que justement les populations et les gouvernements qui sont confrontés à ces cyclones tiennent compte véritablement de ces avis et sont davantage préparés? Alors, je pense qu'ils essayent de préparer les populations, mais quand vous voyez l'exemple que l'on a, nous, ici, avec Saint-Barthélemy, où 7000 personnes n'ont pas suivi les consignes de mise à l'abri, que faire? Que faire? Alors, c'est vrai que les prévisions, maintenant, sont améliorées. En 2004, effectivement, nous, quand on est parti à la Grenade, on devait, en fait, faire une mission sur la Jamaïque, et le cyclone a tourné court pour descendre au sud, et c'est la Grenade qui a tout pris. Aujourd'hui, effectivement, oui, c'est plus précis. C'est plus précis. Patrick Arnaud. C'est intéressant d'entendre cette remarque, parce qu'en fait, j'ai une expérience vécue avec les cyclones, et dans mon enfance, on était prévenus, mais vraiment en dernière limite. On ne savait pas quand ça allait passer, si ça allait passer, on n'arrivait pas modéliser la trajectoire du cyclone, on était toujours surpris par ce qui allait se dérouler. Et on était prévenus. Et les populations, en réalité, ne s'inquiétaient pas vraiment. On a parlé d'un cyclone de 1928 en Guadeloupe, je crois, qui a tué plus de 1200 ou 1300 personnes, parce que tout simplement, à l'époque, mais même dans les années 70, c'était plus compliqué de prévenir les populations. Aujourd'hui, on a un mécanisme qui est rodé. On n'est pas aussi performant que Cuba, qui met en place des systèmes d'alerte avec des exercices en dehors nature avec la population. On ne peut pas faire ça encore en Outre-mer. En revanche, dès qu'on est prévenu, les populations vont faire des provisions dans les supermarchés, ils vont chercher de l'eau, de la nourriture, et ils se calfeutrent, ils évitent que le vent n'entre par des interstices dans leur maison pour éviter que ça soit décollé, que les toits ne s'envolent. Ils ont donc des réflexes. La vraie question, c'est l'amplitude, l'ampleur des cyclones. C'est ça. Est-ce qu'on peut résister à tout type de vent? C'est toute la question. J'ai une question à poser à notre On va la poser juste après, mais justement, je voudrais juste terminer avec Carole Châtelain là-dessus, sur ce que vous disiez. Justement, l'ami architecte, c'est donc Patrick Colombel. Les satellites, c'est ça aussi qui a changé la donne aujourd'hui? Ont changé la donne, effectivement, parce qu'ils permettent désormais d'observer. Alors, pas forcément dans le cadre de la formation des cyclones, mais ils permettent d'observer les océans au centimètre près, la hauteur des océans. Je voudrais revenir sur les conditions, si vous qui génèrent ces cyclones. C'est le réchauffement de la température de l'océan. Or, il faut 26 degrés pour qu'un cyclone puisse se former, jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et là, on constate des températures d'océan à 29 degrés. Donc, voilà la raison pour laquelle il y a ces formations. Et voilà la raison pour laquelle on pense qu'il y a peut-être un lien avec un réchauffement climatique. Voilà. Alors, vous restez un tout petit peu avec nous encore, Carole Châtelain. Je vous l'ai promis après. On y revient bien sûr dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme. 4 morts retrouvés à Saint-Martin, aucun décès à Saint-Barthélemy. Le bilan de l'ouragan Irma sur les Antilles françaises. Une 50aine de blessés, dont 2 graves. L'état de catastrophe naturelle sera signé demain pour pouvoir faciliter, entre autres, les opérations d'indemnisation. L'ouragan dévastateur est maintenant sur l'île de Porto Rico. Il a déjà fait 3 morts. Il fonce sur la Floride. Évacuation obligatoire des zones côtières en Géorgie. Londres débloque 35 millions d'euros pour venir en aide aux îles britanniques. 85 soldats de Daesh tués près d'un convoi bloqué depuis 8 jours dans le désert, près de la frontière irakienne. C'est la coalition dirigée par les États-Unis qui l'annonce ce soir, en précisant que les civils présents, eux, n'ont pas été touchés. Le budget de la défense augmentera en France d'1,6 milliard d'euros l'année prochaine. Édouard Philippe l'annonce ce soir sur BFM. Une hausse sans précédent depuis 10 ans pour le Premier ministre. Une annonce 2 mois après la polémique sur des coupes dans les finances des armées jusqu'à la fin de cette année 2017. Lundi prochain, GMES se retrouvera bien dans le giron de GMD. 120 des 277 emplois conservés chez ce sous-traitant automobile de la souterraine. Le tribunal de commerce de Poitiers a validé aujourd'hui le plan de reprise. Et puis le 11 novembre prochain, Agnès Varda recevra un Oscar d'honneur, une distinction remise à Los Angeles quelques mois après la Palme d'Or d'honneur à Cannes pour son film co-réalisé Visage Village. Agnès Varda, très connue des cinéphiles américains depuis les années 60. France Info. France Info, édition spéciale. Édition spéciale, bien sûr, de France Info, hein, depuis 24 heures pour suivre l'évolution de la situation aux Antilles françaises. Et forcément, quand on pense à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, on pense à ces paysages de rêve avant tout, hein, où, au soleil puissant, à la luxuriance paradisiaque. Ça fait un peu fond d'écran Windows, mais ces paysages existent et on n'a pas vraiment envie de les mettre au passé. Mais c'est ainsi, puisqu'en quelques heures, le paradis est devenu un enfer, comme nous l'a témoigné sur antenne de France Info, le journaliste de Guadeloupe Première, Steve Prudent. On écoute son témoignage. C'est compliqué, encore une fois, hein, puisque les axes sont encore obstrués par toutes sortes de détritus. On ne peut pas circuler si on n'a pas un véhicule tout-terrain. C'est pas, en tout cas, on ne peut pas aller très loin sans véhicule tout-terrain. Même avec le véhicule tout-terrain, les passages sont à négocier sont souvent très délicats. Le centre-ville ressemble à Venise. C'est une cité lacustre, hein, avec en plus... des ordures, des obstacles à tous les mètres. Voilà, Steve Prudent, donc de journaliste de Guadeloupe Première, qui nous parlait depuis Saint-Martin. Alors Alain Capestan, donc vous êtes directeur général de Comptoir des Voyages. Ce sont des destinations dont on parle qui vivent avant tout du tourisme, véritablement, majorité, bien sûr. Oui, bien sûr. Il va falloir du temps pour faire revivre cette région. C'est clair. Je pense qu'il y a le temps de la reconstruction, évidemment. Là, vous en avez parlé et je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais il est clair que ça va prendre malgré tout un certain temps. Et puis, je pense qu'il y a aussi le temps psychologique pour qu'un client chasse ces images qu'il a vues dans les médias, dans les journaux, à la télé, là, ce soir encore, et que l'envie lui reprenne de venir visiter ces destinations. Et là, nous, en tant qu'agents de voyage, nous avons une forme de responsabilité. C'est de rester solidaires parce que ces pays qui, finalement, ces endroits ou ces lieux qui, à un moment donné, nous permettent d'envoyer des clients sur place et de vendre et de faire notre métier. À un moment donné, il faut aussi, et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres pays tels que la Tunisie ou l'Égypte, où là vous avez des sinistres qui ne sont pas de cette nature, qui sont des sinistres géopolitiques, mais sur lesquels il faut que nous puissions, nous, vis-à-vis des clients, amener des actions pour qu'ils reviennent vite, par solidarité et juste par devoir de mémoire par rapport à ce qui s'était passé avant. Alors, juste une chose, quand même, à la question, en 89, le cyclone Hugo avait vraiment, presque vraiment ravagé la Guadeloupe. Là, par exemple, les touristes ont mis du temps à revenir, par exemple. Les touristes ont mis du temps, oui, parce que, encore une fois, il y a un impact psychologique qui est indiscutable. Je dirais que cet impact croît au fur et à mesure, d'ailleurs, que les médias exposent les choses, mais en même temps, c'est votre devoir d'information qu'on va vous le reprocher, c'est clair. Mais néanmoins, c'est là, et c'est plus ou moins important en fonction des dégâts qui sont perçus dans cette espèce d'inconscient collectif que les gens ont de la destination. Patrick Carme. Il y a une différence entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Saint-Barthélemy, île des milliardaires, avec moins de 10 000 habitants, avec des gens qui ont des fortunes qui sont assez colossales, pas trop de problèmes pour se reconstruire vite et continuer à attirer une clientèle extrêmement favorisée. Saint-Martin, vous avez deux parties. Vous avez la partie française et hollandaise. La partie française n'a quasiment pas de touristes. Les touristes vont dans la partie hollandaise. Ni d'ailleurs de croisiéristes. 99 et quelques pourcents des croisiéristes vont dans la partie hollandaise grâce au port en eau profonde qu'ils ont. Donc la problématique est un peu différente pour ces deux îles avec des situations complètement différenciées. Alors en effet, mais on ne peut pas non plus nier que c'est vrai que c'est une région qui vit et beaucoup du tourisme quand même, Alain Capestan. C'est quand même vous, par exemple, chez vous, ça représente quoi? Non, mais je pense que monsieur a raison. Si vous voulez, les situations sont vraiment très différentes selon les endroits dans lesquels on se trouve. Sur Saint-Barthélemy, vous êtes sur des gens qui ont des villas, donc avec leurs assurances, ça va vite se reconstruire. Et j'imagine d'ailleurs mieux, selon les avis des experts que vous êtes, que la situation actuelle. Par contre, dans d'autres, sur Saint-Martin, vous avez plein de gens qui vivent là, qui n'ont même pas les moyens d'assurer leur maison. Donc, comment va se faire cette reconstruction? Or, pour un touriste, si vous voulez, de voir des dégâts non réparés, que ce soit chez les riches ou chez les pauvres, c'est des dégâts non réparés, c'est pas forcément des images qu'on a envie de voir pendant ses vacances. Alors, et toute la question reste entière. Ouais, Patrick Colombel, c'est ça aussi, quand on reconstruit, il y a aussi finalement aussi ce tissu économique à remettre derrière en marche. quand vous mettez... De toute façon, il faut pas oublier une chose, c'est que la reconstruction, l'acte de reconstruction, va être une manière de relancer aussi l'économie. Donc c'est un moyen d'y contribuer et de l'accompagner. Alors évidemment, comme c'est des endroits où ça vit essentiellement du tourisme, où ça devrait mieux vivre que ça, parce que moi je pense que ça vit pas assez du tourisme, je pense notamment à la Guadeloupe et à la Martinique, par rapport au potentiel absolument gigantesque qu'il y a là-bas, je pense que c'est aussi peut-être une opportunité pour relancer ça intelligemment. Oui, Alain Quévesson. J'appelle le président Macron d'ailleurs à investir plus qu'il n'en faut pour développer la partie Saint-Martin qui ne l'est pas. C'est-à-dire la partie française. Voilà, oui, c'est le président français. Et pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, il faut se dire que l'État, je vous ai donné le budget du ministère de l'Outre-mer, l'État ne fera pas les efforts qu'il faut. Il faut en être conscient. Il faut que la solidarité... Pourquoi il le ferait pas? Mais parce que tout simplement, il ne l'a jamais fait. C'est l'expérience qui le montre. On ne serait pas 70 ans après la départementalisation à avoir entre 20 et 35 ans de retard en termes de santé publique et mortalité infantile. On n'aurait pas un taux de chômage 3 fois supérieur, un taux de chômage des jeunes 3 fois supérieur, un taux de pauvreté 3 à 4 fois supérieur, y compris par rapport à la Seine-Saint-Denis. On ne serait pas dans une situation où les infrastructures sont complètement paupérisées. C'est parce que l'État n'a jamais assumé. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les Français jouent le rôle de solidarité, comme la Guadeloupe à l'époque ou la Martinique à l'époque, si vous voulez, de la sécheresse en France dans les années 76 ou quoi, où nous avons effectivement, nous sommes cotisés pour essayer d'aider l'Hexagone. Il faudrait que les entreprises, il faudrait que les particuliers fassent des dons, mais que les grosses collectivités, comme le fait aujourd'hui Valérie Pécresse, en débloquant 100 000 euros et en mettant à disposition l'ingénierie. En effet, il n'y a pas que Valérie Pécresse. On le voit que ça s'organise. Tout le monde. Il y a un appel. Il faut que ça soit un phénomène généralisé, collectivité, citoyens et l'État. Et faire travailler des professionnels compétents du domaine aussi dans la construction, parce que je pense que ça, c'est aussi essentiel. On doit travailler avec des gens qui soient compétents, qui sont des professionnels aguerris. Et encore une fois, je pense qu'il faut s'appuyer notamment sur les gens qui en local sont tout à fait capables de le faire, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont tout. Alors, Carole Châtelain, pardon. Oui, je crois que là, on parle de ce phénomène-là, puisqu'évidemment, il est dans l'actualité dramatique, mais je crois qu'on ne peut pas le prendre de façon isolée. Les phénomènes climatiques, en général, vont être accentués. On peut aussi parler des canicules, on peut aussi parler des précipitations, y compris sous nos latitudes. Donc, je crois que nous serons amenés de plus en plus à faire face à ces phénomènes qui, pour le coup, la NOAA, qui est l'agence américaine qui s'occupe de ces phénomènes climatiques, a fait le lien entre les canicules et le réchauffement climatique. Oui. Et nous ne serons pas épargnés, évidemment. Et là, quand vous voyez justement, là, on va aller aux États-Unis dans un instant parce que la Floride va être frappée par Irma. Quand vous voyez aujourd'hui la politique américaine, vous, journaliste scientifique, envers l'environnement. Ce sont des sujets que nous traitons et que nous regardons de très près, car effectivement, la politique menée par Donald Trump va à l'encontre de ce qui avait été préconisé par Obama et qui avançait dans le sens de la prise en compte du réchauffement climatique. Donald Trump retire tous les crédits qui étaient alloués. Il vient encore de retirer tous les programmes qui consistaient à construire, à avoir des normes de construction sur les littoraux un peu plus solides et puis à ne pas construire le long du littoral. Ça aussi, c'est un problème. C'est un choix de vie aussi. C'est un choix de vie aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est extrêmement préoccupant. Une chose, Luc Laventure, Emmanuel Macron a dit qu'il se rendrait sur place, c'est important. Ah, c'est important, qu'il c'est important. Y aille ou pas. C'est important pour la cohésion républicaine, c'est important. Je pense que c'est très très important et c'est paradoxal. C'est-à-dire que je pense que c'est important qu'il y aille. C'est important que la ministre soit partie hier soir, même si on peut regretter qu'il n'y ait pas une plus forte décentralisation. On peut imaginer que la prochaine fois, on n'attende pas l'arrivée du cyclone pour pouvoir prendre des mesures sur place, pour mettre déjà de la sécurité civile sur place, en attente, pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Est-ce que vous auriez posé la question aux États-Unis à Trump? Vous avez bien vu que Trump a annoncé qu'il irait sur place. Oui. Il y a eu une polémique avec Obama qui n'y était pas allé. Donc c'est normal que Emmanuel Macron se rende sur place. Parce que l'outre-mer, c'est la France. Il y a une vraie gestion de crise. Je crois qu'il faut, le reconnaître. Oui. Moi, je trouve ça assez exceptionnel qu'il y ait un ministre qui prenne le premier avion. Bon, je trouve ça quand même un peu couillu, quoi. Oui, c'est pas fini. En tout cas, le mot est lâché. Voilà, couillu, en tout cas. Merci beaucoup, Carole Châtelain. Non, mais je vous en prie d'être passé ce soir aux informés de France Info. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme. 800 secouristes, gendarmes et sapeurs-pompiers mobilisés après le passage de l'ouragan Irma sur les Antilles françaises. En attendant, le Premier ministre revoit à la baisse le bilan des victimes. Il est désormais de 4 morts confirmés à Saint-Martin. Aucun recensé pour l'instant à Saint-Barthélemy. Une cinquantaine de blessés, un mort, plusieurs blessés sur la partie néerlandaise de Saint-Martin. Aux États-Unis, il a déjà fait 3 morts à Porto Rico. L'ouragan se dirige maintenant vers la Floride. Niveau d'alerte relevé à Cuba. Près de 10 000 touristes évacués en République dominicaine, à Haïti et à Cuba. Un nombre estimé à 26 millions de personnes pourraient être exposées à des vents destructeurs et des pluies torrentielles. L'atelier clandestin d'explosifs de Villejuif pourrait être en lien avec la Syrie et l'Irak. La confirmation de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, le disait ce matin sur France Info. Un troisième suspect interpellé aujourd'hui à Vitry-sur-Seine. Un homme de 37 ans radicalisé dans le radar de la Direction générale de la Sécurité intérieure. En Espagne, Mariano Rajoy appelle les indépendantistes catalans à cesser l'escalade politique. Le Premier ministre dépose un recours contre leur loi sur le référendum en Catalogne pour l'autodétermination. Les séparatistes répondent qu'ils ne se laisseront pas impressionner. Pour le président du Parlement européen, une Catalogne indépendante resterait en dehors de l'Union européenne. C'est l'annonce d'un succès planétaire attendu en librairie. Millennium, 5e tome, sort aujourd'hui. Le polar nordique est édité par Actes Sud. Le 4e opus s'était vendu à 6 millions d'exemplaires dans le monde entier. France Info. France Info, édition spéciale. Édition spéciale et nous suivons la course de cet ouragan Irma qui devrait frapper dans les prochaines heures, les prochains jours, les côtes de la Floride. Et nous retrouvons le correspondant de France Info aux États-Unis, Philippe Randet. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors, comment justement les États-Unis se préparent à cet impact d'Irma en Floride quelques mois, voire quelques semaines surtout après Harvey au Texas? Oui, les consignes sont simples, hein. Elles tiennent en un mot, fuyez. Le gouverneur de Floride l'a dit et répété, hein. Surtout n'attendez pas, vous devez partir, je veux que vous restiez vivants. Des milliers de personnes prennent depuis plusieurs heures la route du nord de la Floride, ce qui provoque de gigantesques embouteillages. Les stations-service commencent à se vider, les écoles sont fermées, des hôpitaux évacuent leurs patients, les supermarchés sont en train de se vider, car vous l'aurez compris, les autorités ici sont très inquiètes et très alarmistes. Il faut dire que les États-Unis n'ont été frappés par un ouragan de catégorie 5 que 3 fois depuis 1851. Le dernier Andrew avait justement frappé la Floride en 1992. Irma sera bien pire qu'Andrew, a prévenu le gouverneur qui a lancé un appel pour recruter des volontaires. Des abris sont d'ores et déjà ouverts. Les Keys, cette multitude de petites îles tout au sud de la Floride, pourraient être les premières zones touchées. Mais en tout, dans la région de Miami, ce sont 6 millions de personnes qui sont potentiellement en danger dans une zone qui est extrêmement urbanisée avec des milliers de résidences de bord de mer. La Floride est au bord de la mer. Il y a des rivières, des lacs partout. Alors c'est vrai que depuis 25 ans, depuis le passage d'Andrew en 1992, la Floride fait figure d'exemple dans la lutte contre les ouragans. Les bâtiments, les immeubles ont été renforcés contre les vents. De nombreux habitants ont installé des rideaux anti-ouragans, des toits résistants. Mais les ouragans sont par nature imprévisibles. Et puis, vous l'avez dit, hein, les États-Unis sont encore traumatisés par Harvey qui a ravagé Houston la semaine dernière. Et ce gigantesque Irma qui est aussi large que la Floride, cet ouragan hors norme qui a ravagé les Antilles, ne doit évidemment surtout pas être pris à la légère. Car, répétons-le, le sud de la Floride est une zone extrêmement peuplée. Et ce sont des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui pourraient être touchées. Philippe Randet, correspondant donc de France Info aux États-Unis. Merci avec vous. Bien sûr, on va suivre l'évolution de la situation. Arnaud Fraisse, on voit voilà une différence de gérer les situations dans un pays comme les États-Unis et on en parlait tout à l'heure d'Haïti. Ah, ça va être totalement différent, totalement. Et pourtant, les deux sont sensiblement en train, là ce soir, on ne sait pas encore comment ça sera touché, mais on va sentir des impacts très forts. Vous, c'est Haïti aussi qui vous intéresse. Vous parliez d'une équipe peut-être envoyée là-bas. Est-ce que vous savez, finalement, aujourd'hui, vous anticipez déjà? Oui, on anticipe l'impact sur Haïti, parce qu'on pense que ça va toucher effectivement la partie nord d'Haïti, cap haïtien. Donc là, nous, les équipes sont positionnées déjà au départ avec le matériel pour effectivement rejoindre Port-au-Prince dès qu'on peut et dès qu'on aura surtout une confirmation de ce qui s'est passé réellement. Mmh. On part pas si, naturellement, on n'a pas une confirmation et si également le gouvernement haïtien ne demande pas d'aide humanitaire, bien naturellement. Sûr. Donc il faut d'abord, pour partir, voilà, expliquer bien, pour qu'une ONG parte, il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut que ce soit le gouvernement qui demande une aide. Voilà, ça c'est primordial. Et puis surtout, bon, il faut aussi juger de l'intérêt effectivement de la mission en fonction des dégâts réels. Luc Laventure, sur Haïti aujourd'hui, c'est aussi, on sait que voilà, c'est une cible prochaine pour Irma. Ça, dont finalement ce que vous avez mis en place autour de personnes, on parle d'Haïti aussi. Mais Haïti, ce sont des cousins, ce sont des frères, ils parlent le français, c'est la francophonie, les combats haïtiens sont des combats antillais, sont des combats caribéens, sont des combats français. Oui, Patrick Colombel, vous connaissez Haïti? Je dois juste annoncer qu'effectivement, le président de l'Assemblée nationale sera certainement aux Antilles avec le député Servat d'ici quelques jours. François Drugy. Donc, voilà. Exactement. Vous connaissez justement Haïti, vous avez travaillé là-bas. Architecte d'urgence est toujours présent en Haïti et notamment dans le sud sur le dernier cyclone Mathieu. Et aujourd'hui, justement, est-ce que c'est une île qui a appris de ces différentes catastrophes ou pas? Ça a été la reconstruction a été catastrophique. Oui. En termes de reconstruction, c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui a été fait par un choix que je ne partage pas, bien évidemment. C'était de partir essentiellement sur la reconstruction d'habitat qui n'était pas un habitat pérenne, à savoir du shelter, des abris. Et ça, je m'inscris en faux dans ce genre de truc. Quoi. Parce que c'est une vraie catastrophe pour l'avenir. Et notamment, s'il y a un cyclone qui passe sur Port-au-Prince, je ne vous dis pas. Voilà, ben, on en parlera en tout cas dans les prochaines heures. Les informés de France Info, ça doit se terminer. L'édition spéciale continue, bien sûr, sur France Info. Merci beaucoup donc à Arnaud Fraisse d'être passé ce soir. Merci Patrick Caram, Patrick Colombel et Luc Laventure. Et merci Alain Capestan.